إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله قل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله على طاعته. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre intitulé Le livre de la purification de Bulugh al-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au hadith de Aïcha radiallahu anha. Donc Aïcha rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par le côté droit pour se chausser, se peigner, se purifier et en toute chose. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc ici l'auteur, Ikhwani Fillah, il nous mentionne le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait commencer par le côté droit. C'est-à-dire que le fait de commencer par le côté droit rendait joyeux le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il agréait cela. Et lorsqu'elle dit Aïcha radiallahu anha, donc le prophète aimait commencer par le côté droit pour se chausser. C'est-à-dire que lorsqu'il se chaussait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par le pied droit. Partant de cela, lorsque tu te chausses, il faut commencer par le pied droit, et ceci avant le pied gauche. Comme cela, tu auras mis tes chaussures d'une manière légiférée, et tu seras récompensé. Et malheureusement, beaucoup de gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, commencent par le pied gauche lorsqu'ils se chaussent. Et ils sont donc privés de cet énorme bien. C'est pour cela, Ikhwani Fillah, qu'il est important d'enseigner aux gens qu'il faut commencer par le pied droit lorsqu'on se chausse. Et ceci n'est pas spécifique au fait de se chausser. Les savants mentionnent que lorsque tu t'habilles, tu dois commencer par la droite. Lorsque l'homme met un kamis, il doit enfiler d'abord le bras droit, puis ensuite le gauche. Pareil lorsqu'il met un sarouel, il doit enfiler la jambe droite, ensuite la jambe gauche. Par contre, lorsque tu te déshabilles, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu commences par la gauche et non par la droite. Et lorsque Aïcha radiallahu anha, elle dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par le côté droit pour se chausser et se peigner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par le côté droit lorsqu'il se peignait. De même, lorsqu'il se rasait la tête pour le hajj. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à Mina et se dirigea vers la stèle qu'il lapida. Puis il regagna sa tente à Mina, fit le sacrifice et dit au coiffeur « rase » en indiquant le côté droit de sa tête, puis la gauche. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rasait les cheveux uniquement pour le hajj et la umrah. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser ses cheveux. Car c'est ce que faisaient les gens à son époque. Et ici, ikhwanifillah, quelqu'un pourrait se dire, est-ce que le fait de laisser pousser ses cheveux est une sunna? Et donc il convient de se laisser pousser les cheveux, ou bien il faut suivre les gens de son époque dans cela. Et donc les savants concernant cette question, ils ont divergé. Et l'avis le plus juste, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, est que de laisser pousser ses cheveux n'est pas une sunna, mais plutôt il convient que la personne donc suit les gens de son pays, tant que cela ne mène pas à un interdit. C'est-à-dire que si tu vis dans un pays où les gens laissent pousser leurs cheveux, alors il n'y a pas de mal à faire cela. Par contre, si cela n'est pas connu, alors il faut couper ses cheveux. Par contre, comme les savants l'ont mentionné, si les gens de ton pays laissent pousser leurs cheveux pour ressembler à certains mécréants, ou bien que laisser pousser ses cheveux est une habitude chez les pervers, dans ce cas, il faut délaisser cela. Il y a certaines preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquant que le fait de laisser pousser ses cheveux n'est pas une sunna. Parmi elles, nous trouvons le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un garçon raser une partie de ses cheveux et en laisser une autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « rase tout ou laisse tout ». Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Et Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit en commentaire de ce hadith, donc je cite, « si laisser pousser ses cheveux était une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit « laisse pousser tes cheveux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. » Et concernant le peignage des cheveux, les savants mentionnent que cela doit être fait sans exagération. La personne ne doit pas passer son temps à peigner ses cheveux. Elle ne doit pas, par exemple, le faire plusieurs fois par jour, car ceci en vérité est une perte de temps. Il doit faire cela de temps en temps. Il doit donc faire cela de temps en temps. Et il faut être dans le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il aimait la propreté, car la propreté fait partie de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait al-i'tikaf, il sortait sa tête de la mosquée pour que Aïcha radiallahu anha puisse le peigner. Malgré cela, il n'abusait pas dans cela. Et lorsque Aïcha radiallahu anha, donc elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par le côté droit pour se chausser, se peigner et se purifier. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand elle dit se purifier, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par le côté droit lors des petites et grandes ablutions, à part pour des membres tels que le visage et les oreilles. Pour le visage, il faut laver tout le visage sans forcément commencer par le côté droit. Et pour les oreilles, on essuie les deux oreilles en même temps. Et à la fin de ce hadith, Aïcha, radiallahu anha, nous dit, et en toute chose, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par le côté droit en toute chose. Et la question qu'on se pose ici est, est-ce que nous devons comprendre de cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par le côté droit ou qu'il utilisait sa main droite dans toutes les situations? La réponse est non. Car les savants nous mentionnent qu'en vérité, la base est de commencer par le côté droit et aussi d'utiliser la main droite. Par contre, pour les choses qui sont sales et impures, on utilise la main gauche. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous nettoyer avec la main droite après avoir fait ses besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun de vous ne tienne sa partie intime avec la main droite lorsqu'il urine, ni ne s'essuie avec la main droite après avoir fait ses besoins. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et aussi l'imam Muslim. Donc on tire de ce hadith, ikhwani fillah, plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on peut tirer de ce hadith est que ce hadith est considéré comme un fondement et une règle parmi les règles de notre législation. Il convient donc aux musulmans de commencer par la droite, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait cela, et il a même ordonné cela dans certains ahadiths. Anas ibn Malik rapporte qu'un jour, on apporta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du lait coupé avec de l'eau, et il y avait un bédouin sur la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq sur sa gauche radiyallahu an, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam but, puis il passa le lait coupé à l'eau au bédouin, donc qui était sur sa gauche, en disant celui à droite puis celui à droite. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le deuxième enseignement qu'on tire est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait des chaussures, mais malgré cela, il ordonnait de marcher pieds nus parfois. Il convient donc de porter des chaussures et de marcher pieds nus de temps en temps. Pour prendre exemple sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains de nos mashayikh au Yémen faisaient cela. Des fois, ils marchaient pieds nus. Car comme vous le savez, le Yémen est un pays musulman. Personne ne va s'étonner de cela. Par contre, pour celui qui vit en terre de mécréance, s'il sait que marcher pieds nus va être une cause qu'on dénigre l'islam, alors qu'il délaisse cela. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous mentionne le hadith d'Abu Huraira. Donc, Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous accomplissez vos ablutions, commencez par le côté droit. Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Donc ce hadith, ikhwani fillah, ressemble au hadith précédent. On y trouve la recommandation de commencer par le côté droit lors des ablutions. Et nous disons la recommandation car les savants sont unanimes pour dire que le fait de commencer par le côté droit n'est pas obligatoire lors des ablutions, c'est plutôt recommandé, et ils sont certes unanimes sur cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.